DRY, à sauce de Malfra. Chez quartier, Zoutar. Rien ne sert de courir. Tous les jours je risque la prison sans préoccuper du futur. Moi je nique cette société qui me fait pourrir sur le bitume. Tous les jours on pâte mon bloc, tous les jours c'est la même merde. Je suis toujours avec mes os entre les couilles, mon petit remède. On m'a dit rien ne sert de courir, même faut du bif que je me bats. Moi je veux partir loin du TK, ouais loin des jaloux, des ch'tards. Emmener mon assos de malfrats, ouais sur les îles prendre le large. Pour l'instant j'en suis pas là, je redescends sur terre et je repars. Ok je rappe, la gorge encrassée, des restes MC dans ma trachée. Non je crache pas, je l'ai avalé, c'est salé. Wesh la concurrence, je suis affamé cette année. Là je vais tout casser, je vais rien respecter. Ouais côté, ouais par les radios, je suis pas pistonné. C'est pas vrai, à sauce de malfra, on est en indé. En soirée, rien on a galéré pour la mort du danger. Et sache-le, j'attends pas après le rap pour pouvoir gagner. Il faut du plomb dans les jambes si tu joues les fous. On a trop la dalle, donc on en découvre. Faire du bif dans la résine, j'en connais le coup. Rien ne sert de courir, on sait, même s'il y a l'amour du danger. Joue pas même si les guns sont rangés. On en a vu qu'une à s'allonger. On est ensemble, tous au rendez-vous. Solidaire quand y'a embrouille, tous au garde à vous. Hardcore cru. Dans mon crew y'a pas de venture, hey. Rien ne sert de courir, tôt ou tard j'sortirai ma rue. En concert official, dépasser les frontières. Quitter le terre-terre, c'est bouillant, faut que j'opère. Sors le sac de détail, j'vends mes rimes comme d'un PR. Sur le beat j'accélère, j'passe la 6ème chance céleste. Direction la PS, chaque quartier c'est la test. C'est la S, une petite clèche, mais bon moi j'garde la pêche. Les frérots sont armés, en lyrics bien chargés. Pour le cash tout est prêt, on attend plus que le feu vert. L'équipe elle est déterre, et on fera pas marcher arrière. Dans le rap, j'arrive sévère, et j'compte briser des carrières. Trop de spliff dans le beau cerf, vous et tout, j'y vois plus qu'à trop de voyelles. Dans l'atmosphère, j'étoie tout et gros, car j'ai la haine. Dans mes attaques, quand je repense aux frères sous terre. Rien tard de courir, un jour on quittera tous ces terres. La rue fout du plomb dans les jambes si tu joues les fous. On a trop la dalle, donc on en découvre. Faire du bif dans la résine, j'en connais le coup. Rien ne sert de courir, on sait, même s'il y a l'amour du danger. Joue pas même si les guns sont rangés. On a vu plus d'un s'allonger. On est ensemble, tous au rendez-vous. Solidaire quand tient en bouille, tous au garde à vous. Le mille vient déjouer tous les paris, la concurrence est effarée. Fais trembler les chevaux comme les carrés, les derniers seront les premiers. Je navigue accompagné de cadavres MC dans les cales de mon pétrolier. Swag, comme cette isbé qui a dû swinguer sur les draps de mon sommier. Y'a pas fire, j'rappe sous perfusion de Haya. Impossible n'est pas devant Marine, j'meurs fait sur Benjaya. J'prends mon mal en patience, du diable trop de fois danser la danse. Demande pas l'addition, négro c'est déjà payé d'avance. J'pisse sous tous les rageux du net, quoi qu'ils puissent penser. Mon peu rapace normal, les portiques du pénitencier. Seules les vertus de la patience me font garder l'espoir. Enculé, j'marche à reculons sur les sentiers de la gloire. Ok, j'démarre, que tout le monde lève la patte et j'veux que ça crie car. Moi j'représente les mises à l'écart issues du 9-4. 600, pas de fiction. Rien ne sert de courir, tout problème a sa solution. La rue fout du plomb dans les jambes si tu joues les fous. On a trop la dalle, donc on en découvre. J'ai du bif dans la résine, j'en connais le coup. Rien ne sert de courir, on sait, même s'il y a l'amour du danger. Joue pas même si les guns sont rangés. On a vu plus d'un s'allonger. On est ensemble, tous au rendez-vous. Solidaire quand tient en bouille, tous au garde à vous. La rue fout du plomb dans les jambes si tu joues les fous. On a trop la dalle, donc on en découvre. Faire du bif dans la résine, j'en connais le coup. Rien ne sert de courir, on sait, même s'il y a l'amour du danger. Joue pas même si les